Je t'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout, et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh comme c'est beau le métier de parent. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord tu m'idéalises, avant que tu me méprises. Ok d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite ben tu feras tes valises. Et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais mais tu débarrasses. Tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y fais des gosses. Allez-y fais des gosses. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur, tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs, y'a les pipis, les cacas et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le petit. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur, c'est de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste.